Actu, débat, culture, idées, musique. Ça sert l'Europe. Vous êtes sur Fadjet, à l'écoute d'Europe & Roll. Ça sert l'Europe. Bonjour, bonjour à tous. C'est l'équipe d'Europe & Roll qui vous rejoint aujourd'hui. 1985 en Europe. Qui dit 40 ans de Fadjet, qui dit année de naissance de Fadjet, dit surtout année 1985. Pendant ces 45 minutes de direct en notre compagnie, différents chroniqueurs vont intervenir pour retracer cette année 85. 1985 en Russie, en Roumanie, la culture, le sport cette année-là, nous reviendrons sur pas mal de faits et gestes cette année. Actu, débat, culture, idées, musique. Ça sert l'Europe. Vous êtes sur Fadjet, à l'écoute d'Europe & Roll. Ça sert l'Europe. Europe & Roll. Bienvenue sur Radio Fadjet. On est déjà à pas mal d'heures d'antenne de direct, 19h si je ne me trompe pas. Et pendant cette heure, voici le tour d'Europe & Roll de reprendre l'antenne. Europe & Roll, c'est l'émission européenne réalisée par les étudiants du campus de Sciences Po Nancy. Et vous pouvez nous écouter ici le dimanche à 13h, le lundi à 17h. Et vous pouvez nous retrouver en podcast sur Spotify. Cette heure de direct débutera fort avec la chronique de Miro, lue par Raphaël, étudiant russe en première année au campus de Sciences Po Nancy. 1985 en Russie, c'est avant tout le début de la politique de la perestroïka. Miro nous fait un focus dessus et nous replongera sans plus attendre dans la guerre froide. 40 ans en arrière, comme il se doit aujourd'hui pour l'occasion. Épisode anecdotique, car cas non isolé de cette guerre froide, je reviendrai tout de suite après sur l'embargo américain contre le Nicaragua, décidé en 1985, bien sûr. On reste pour cette deuxième chronique dans la guerre froide et ce conflit dans les esprits de l'entièreté du monde. Ensuite, l'année 1985 n'est pas dénuée de culture. Je prendrai le micro pour ma chronique sur la culture cette année-là. Quelle pépite y a-t-il eu il y a 40 ans de cela ? Aucun de nous n'était né, mais pourtant, Le Parfum de Susskind ou La Servante Écarlate d'Atwood sont des titres qui résonnent encore en nous. Nous arrêterons donc le temps pour une petite parenthèse littéraire et philosophique au cœur de l'année 1985. Si vous êtes de fidèles auditeurs d'Europe & Roll, vous connaissez sans doute notre signature, avec nos traditionnels flashs culturels et sportifs. Pour l'occasion, on ne déroge pas à la règle. Ma chronique prend des airs de flash sportif, et pour cause, l'année 1985, en termes de sport, ça donne quoi ? Et quand on parle de 1985 en Europe, comment oublier la signature de l'accord de Schengen ? Cette étape majeure de la construction européenne qui a permis de créer un espace de libre circulation unique au monde, fait face aujourd'hui à des défis complexes, on reviendra dessus. Merci à Amalia, étudiante roumaine en première année à Sciences Po Nancy, qui nous rejoindra plus tard dans l'heure et nous fera son focus sur l'année 1985 en Roumanie. Tout de suite, je laisse Raphaël nous introduire avec la chronique écrite par Miro. À toi, Raphaël. En 1985, l'Union soviétique traverse une période de transition marquée par des bouleversements politiques et des réformes profondes. Le 24 février, des élections se tiennent au Soviet suprême de la RSFSR, ainsi que dans l'ensemble des républiques soviétiques. Le scrutin, dont le taux de participation officiel atteint 99,97%, confirme la domination absolue du bloc des communistes et des sans-partis. Dans sa circonscription, le secrétaire général du Parti communiste, Konstantin Tchernenko, recueille la totalité des suffrages. Pourtant, cet ultime triomphe électoral est rapidement éclipsé par la dégradation de son état de santé. Le 28 février, il apparaît une dernière fois à la télévision, un visage affaibli par la maladie, avant de sombrer quelques jours plus tard dans le coma. Le 10 mars, à 19h20, il s'éteint à l'âge de 73 ans, laissant vacant un pouvoir qu'il n'a exercé que brièvement. Dès le lendemain, Mikhail Gorbatchev est porté à la tête du Parti communiste, incarnant un tournant décisif pour l'Union soviétique. L'enterrement de Tchernenko, le 13 mars, marque la fin d'une époque et scelle la transition vers une nouvelle ère politique. Dans le sillage de son accession au pouvoir, Gorbatchev engage un vaste chantier de réformes connu sous le nom de perestroïka, un terme qui signifie « restructuration » en russe et qui reflète sa volonté de moderniser l'économie soviétique, d'assouplir le système centralisé et d'introduire des éléments d'économie de marché. Ces réformes, menées en parallèle à la Glasnost, politique de transparence et d'ouverture, ambitionnent de revitaliser un pays englué dans la stagnation. Mais si la perestroïka suscite des espoirs, elle engendre aussi des déséquilibres. Les tentatives d'autonomie économique provoquent des pénuries et accentuent le mécontentement populaire, tandis que les mouvements nationalistes, jusque-là contenus par l'autorité du régime, commencent à se structurer et à revendiquer davantage d'indépendance. Sur la scène internationale, Gorbatchev engage également un profond changement de paradigme. L'Union soviétique, embourbée depuis des années dans le conflit afghan, voit ses pertes s'accumuler et subit une pression croissante de la communauté internationale. Conscient de l'impasse militaire, le dirigeant soviétique amorce en 1986 un retrait progressif des troupes et transfère la responsabilité des combats aux forces afghanes, tout en maintenant un soutien logistique au gouvernement de Kaboul. Cette décision reflète un tournant plus large dans la diplomatie soviétique. Gorbatchev promeut une politique de nouvelle pensée qui rompt avec la confrontation idéologique de la guerre froide. Il abandonne la doctrine de la lutte des classes au profit d'une approche fondée sur l'indépendance et la sécurité mutuelle. Ces évolutions internes et externes s'inscrivent dans une année où le régime tente de concilier héritage soviétique et aspiration à la modernisation. Le 9 mai, Moscou célèbre avec faste le 40e anniversaire de la victoire en Europe par un grand défilé militaire sur la place Rouge, perpétuant une tradition de mise en scène et de pouvoir encore à l'œuvre aujourd'hui. Mais au-delà des symboles, c'est un état en mutation qui se profile, où les certitudes du passé vacillent sous l'effet des réformes engagées. En novembre, ce nouvel équilibre trouve une résonance sur la scène diplomatique, avec la rencontre historique entre Mikhail Gorbatchev et Ronald Reagan, à Genève. Ce sommet, bien que marqué par des divergences, amorce un dialogue inédit entre les deux superpuissances et ouvre la voie à une réduction des arsenaux nucléaires. Ainsi, 1985 apparaît comme une année charnière où, dans les coulisses du pouvoir soviétique, se dessinent les prémices d'un monde en transformation. Pour la première fois depuis longtemps, un dialogue sincère s'amorce entre deux superpuissances, nourrissant l'espoir d'une réduction des tensions et d'un avenir moins marqué par la peur d'un affrontement nucléaire. Au sein de la société soviétique, cet espoir se ressent, même si les changements concrets restent encore à venir. Dans les rues de Moscou, dans les universités, dans les usines, on parle avec prudence, mais aussi avec curiosité, de ce nouveau leader qui semble vouloir rompre avec les pratiques du passé. Certains osent même rêver d'un système plus juste, d'une plus grande liberté d'expression, d'une ouverture au monde. Pendant un instant, il semble que l'histoire pourrait enfin prendre un autre chemin, que l'Union soviétique pourrait se réinventer, sans s'effondrer. Mais cet élan ne durera pas. L'espoir né en 1985 sera peu à peu étouffé par les difficultés économiques, les résistances internes et les bouleversements géopolitiques à venir. Aujourd'hui, avec le recul, cette année apparaît comme un instant suspendu, un moment où tout semblait encore possible avant que la réalité ne rattrape les rêves de changement. Un instant d'illusion, peut-être, mais un instant où, pour la première fois depuis longtemps, l'avenir ne paraissait plus complètement écrit. Miro vient de nous faire un focus sur la Russie de ces années-là, avec le début de la si connue politique de la perestroïka. Merci à Raphaël d'avoir lu la chronique. Je vais à mon tour passer de l'autre côté du rideau de fer et même traverser l'Atlantique. 1985 en Europe est marqué par la tournée du président Ronald Reagan au début de son second mandat, au programme Allemagne fédérale, Portugal et Espagne. Dans la région des États-Unis et de l'Amérique latine, Amérique du Sud, cette année est marquée par l'embargo américain contre le Nicaragua, entre autres bien évidemment. 1er mai 1985, les États-Unis décrètent l'embargo économique contre le Nicaragua. Les Sandinistes, mouvement politique au Nicaragua, dirigé par le Front Sandiniste de Libération Nationale, le FSLN, et portant le nom du leader révolutionnaire Augusto Sandino et inspiré par ses idéaux, donc les Sandinistes doivent se tourner de plus en plus vers les pays de l'Est, puis prendre des mesures d'ajustement économique. Donc, le 1er mai 1985, Ronald Reagan, en visite officielle en Allemagne fédérale, annonce que les États-Unis vont imposer un embargo commercial total contre le Nicaragua. Cet embargo faisait partie d'une politique plus large visant à affaiblir le gouvernement sandiniste, qui était perçu comme allié de l'Union soviétique et de Cuba en pleine guerre froide. À partir du 7 mai, les échanges commerciaux entre les États-Unis et le Nicaragua seront complètement interrompus et les relations aériennes suspendues. Ces mesures sont critiquées par les alliés occidentaux de Washington, réunis du 2 au 4 pour le sommet de Bonn, 11e sommet des pays industrialisés. et Moscou affirme que le président Reagan veut briser par la faim la volonté du peuple nicaraguayen. Le président Ortega, président du Nicaragua, qui est arrivé à Moscou le 28 avril 85, se rend dans la plupart des pays d'Europe de l'Est dont il obtient un soutien diplomatique et économique. Il visite ensuite du 11 au 18 plusieurs capitales occidentales en commençant par Madrid et Paris. Le 15, 24 pays d'Amérique latine réunis à Caracas, capitale du Venezuela, condamnent fermement l'embargo américain. Le 20, Daniel Ortega, de retour au Nicaragua, annonce que l'URSS fournira en 85 du pétrole nécessaire à son pays. Ce virage vers l'URSS, ce virage vers le bloc de l'Est, s'est fait en réaction à cette situation. Le Nicaragua s'est tourné vers les pays du bloc de l'Est pour obtenir un soutien économique et militaire. Le gouvernement sandiniste a également dû mettre en place des mesures d'ajustement économique, notamment des contrôles des prix, des nationalisations et une réforme monétaire pour tenter de faire face aux conséquences de l'embargo et à une économie déjà fragilisée par la guerre civile contre les Contras soutenue par les États-Unis. Il demande à nouveau aux États-Unis de mettre fin à l'agression économique et militaire, je le cite, contre le Nicaragua et déclare que tous les dirigeants des 13 pays européens qu'il a visités ont désapprouvé l'embargo américain. Cette période a marqué une intensification des tensions entre Washington et Managua, qui se poursuivront jusqu'à la fin des années 80, lorsque les sandinistes perdront les élections de 90 face à Violeta Chamorro, soutenue par les États-Unis. Simple épisode anecdotique de la guerre froide, certes, mais qui nous replonge au cœur des dernières années de ce conflit, par pays interposés, par blocs interposés et de ce conflit idéologique. 1985 était donc marqué par cette guerre froide entre les deux géants et leurs blocs et leurs alliés. Merci Miro pour la chronique d'avant sur la perestroïka de Gorbatchev. Et voici donc deux chroniques qui nous ont replongé 40 ans en arrière, en plein cœur du conflit. Je vous propose maintenant d'écouter Take On Me de A.A., un rythme aux sonorités futuristes et à la mélodie inoubliable qui s'est véritablement imposée comme un classique des années 80. Le clip révolutionnaire en dessin animé a fait de cette chanson un symbole de l'ère visuelle autant qu'auditive, tandis que son message de désir et de courage résonne encore aujourd'hui. Ce classique intemporel, bien plus qu'une simple mélodie accrocheuse, parle à tous ceux qui ont ressenti le besoin de sortir de leur zone de confort et de poursuivre quelque chose de plus grand. We'll be right back. Et c'était Take On Me, vous êtes toujours en direct de Radio Fadjet. Manon, ta chronique tout de suite prend des airs de flash culturel et en même temps c'est bel et bien une chronique qui retrace un pan de la culture de 1985 et les tendances de cette année anniversaire, on le rappelle. L'année 1985 s'inscrit dans un contexte culturel et politique global où l'Europe et le monde entier sont en pleine transition. Ce climat de fin de siècle de transition politique et sociale se retrouve dans les arts. La société se réinvente et avec elle, la culture fait de même. Dans le domaine littéraire, ce renouvellement se traduit par des œuvres qui ne se contentent pas de raconter des histoires, mais qui interrogent et bousculent les modèles établis. Dans cette perspective, j'aimerais vous parler de deux œuvres sorties durant cette année 1985. Des romans qui semblent à première vue appartenir à des genres et des univers très différents, mais qui reposent en réalité sur des thématiques communes. Durant ce court voyage littéraire, nous allons parler aujourd'hui d'obsession, de quête d'identité, de manipulation du corps humain, ou de manière peut-être légèrement moins sombre, il s'agira de s'interroger sur les questions de pouvoir, de déshumanisation et de contrôle sur les individus. Pour la première escale de notre voyage littéraire, nous allons parler du roman Le Parfum de Patrick Susskind, un ouvrage qui a comme un parfum de transgression et de quête de soi. Cet ouvrage raconte la quête obsessionnelle de Jean-Baptiste Grenouille, un homme né dans des conditions sordides et sans odeur personnelle. Il nous plonge dans un univers aussi sensoriel que horrifique. Grenouille avait un don, ou plutôt un nez unique au monde, et il entendait bien devenir le dieu tout-puissant de l'univers, car qui maîtrisait les odeurs, maîtrisait le cœur des hommes. Grenouille cherche donc à imposer sa propre identité au monde, en utilisant le parfum comme outil de manipulation et de contrôle. En parallèle, 1985 voit également la publication de La Servante écarlate de Margaret Atwood, une œuvre marquante qui prend place dans un futur dystopique, où les femmes sont réduites à leur rôle reproductif, enfermé dans un système totalitaire. En effet, devant la chute drastique de la fécondité, la République de Galaad, fondée par des fanatiques religieux, a réduit au rang d'esclaves sexuels les quelques femmes encore fertiles. Ces femmes deviennent alors des servantes écarlates, ont renié leur identité jusqu'à leur prénom, elles doivent se vêtir entièrement de rouge et mettre leur corps au service du régime. Ce récit suit en particulier le parcours de Defred, son existence en tant que servante écarlate, mais aussi sa quête de liberté. Atteindre la liberté en songeant au temps où les femmes avaient le droit de lire, de travailler, mais aussi atteindre la liberté en rejoignant un réseau clandestin. Ces deux livres, qui ont su s'imposer au fil des années comme de véritables références littéraires, nous plongent donc dans des atmosphères très différentes, mais conservent des thématiques communes sur lesquelles il est intéressant de prendre le temps de s'arrêter. Et pourquoi ne pas profiter de cette parenthèse littéraire pour parler un peu de philosophie ? Pour s'interroger sur le processus de quête d'identité, mais aussi sur les difficultés face à l'isolement humain. Raconter plutôt qu'écrire, parce que je n'ai pas de quoi écrire, et que de toute façon, il est interdit d'écrire. Mais si c'est une histoire, même dans ma tête, il faut que je la raconte à quelqu'un. On ne se raconte pas une histoire seulement à soi-même, il y a toujours un autre, même quand il n'y a personne. Cette citation est issue du roman La Servante écarlate et témoigne de l'isolement absolu de Defred. La société dystopique totalitaire dans laquelle elle évolue l'a dépouillée de tout, y compris de son nom, de son libre arbitre. Enfermée dans un rôle, seule, la quête de sa propre identité et de l'autonomie apparaît pour elle comme l'unique porte de secours. De la même manière, le nez unique de Jean-Baptiste Grenouille, véritable don, fait de lui un être à part dans la société, plutôt monstre comme. Il se trouve alors dans une quête absolue pour trouver sa propre identité, à travers les odeurs, seule manière d'imposer son existence dans le monde. Mais cette quête est marquée par une intense déconnexion de l'humanité. Il ôte la vie à des personnes innocentes pour confectionner ce parfum, ce qui le rend d'autant plus isolé. Manipuler les autres pour exister, exister à travers eux, mais exister sans eux, toujours plus seul. La notion du contrôle des corps dans la perspective de la perte d'identité apparaît véritablement centrale. Ce livre n'est pas paru en 1985, à mon plus grand regret, mais « Surveiller et punir, naissance de la prison » de Michel Foucault met au jour les différentes logiques et mécanismes de régulation des comportements et de contrôle des corps de la part des sociétés modernes. Michel Foucault nous parle d'institutions telles que les prisons, les écoles et les hôpitaux qui supposent la normalisation, la surveillance et la régulation des comportements individuels. Margaret Atwood, quant à elle, nous parle d'un pouvoir institutionnalisé, de domination systématique et totalitaire. Elle écrit alors, je cite, « Comme d'autres choses maintenant, la pensée doit être rationnée. Il y a beaucoup de choses auxquelles il n'est pas supportable de penser. Penser peut nuire à nos chances et j'ai l'intention de durer. Je sais pourquoi il n'y a pas de verre sur l'aquarelle aux iris bleus, pourquoi la fenêtre ne s'ouvre qu'en partie et pourquoi la vitre est en verre incassable. Ce n'est pas la fuite qu'ils craignent, nous n'irions pas loin. Ce sont ces autres évasions, celles que l'on peut ouvrir en soi-même si l'on dispose d'un objet tranchant. Le rapport qu'entretient une grenouille au pouvoir est différent quant à lui. Il apparaît dans une certaine mesure comme illusoire. Il est vrai que son pouvoir repose sur sa capacité à manipuler les autres par leur perception sensorielle. C'est un pouvoir démesuré mais éphémère qui se base sur la tromperie et la manipulation. Mais quel est le résultat ? Il finit seul. Ce pouvoir perd son caractère absolu car il ne permet pas de se connecter avec les autres. Enfin, c'est la question de la perte d'humanité qui est soulevée en filigrane avec ces deux ouvrages. L'obsession de contrôle de grenouille dans Le Parfum, tout aussi bien que celle des autorités dans La Servante écarlate, ne débouche que sur la déshumanisation des personnages. Obsession, isolement et contrôle qui mènent à la déshumanisation, les auteurs nous laissent l'opportunité de tirer nos propres conclusions de ces récits. Ainsi, ces deux ouvrages, marquants de l'année 1985, résonnent étrangement avec de nombreuses problématiques encore très actuelles. Le rapport à l'autre, la quête de soi, la beauté et le pouvoir, l'autonomie et le contrôle des corps. Derrière ce voyage, futuriste et olfactif fascinant, Susskind et Atwood nous livrent une fable politique et sociale, un miroir déformant de notre société qui nous pousse à réfléchir sur les dérives possibles de la politique et de la société, mais aussi sur la force de l'individu face à l'oppression. Restons dans le même thème avec le morceau « Everybody Wants to Rule the World » du groupe Tears and Fears, mélangeant pop et new wave. Il explore les thèmes du pouvoir, du contrôle et des désirs humains. Ce titre a certes marqué les années 1980, mais la chanson continue d'envahir les ondes à travers de nombreuses reprises et utilisations. On peut penser notamment à Malcolm, Glee, Assassin's Creed Unity ou Men Hunger Games. L'embrasement faisant de ce tube un intemporel capable de résister aux années et avec toujours autant de succès. Welcome Merci d'être toujours sur Radio Fadjet. On reste dans la culture, mais cette fois, disons, la culture sportive. Alexis, par quoi est marquée l'année 1985 sportivement ? 1985, il y a 40 ans de cela. Je n'étais certes pas né, mais c'est pas une raison pour abandonner. Alors après avoir feuilleté les almanachs sportifs de cette année-là, il est grand temps de se replonger avec vous dans une époque au vélo sans casque, aux Six Nations A5 et au football français tout juste champion d'Europe pour la première fois de leur histoire. Repartons du bon pied, ou plutôt dans ce qui se faisait de mieux à l'époque en ce début d'année, le rugby. Car c'était déjà l'attraction phare de la fin de l'hiver que de voir s'affronter depuis des dizaines d'années les cinq grandes nations du rugby de l'hémisphère nord. Pour rappel, l'Italie n'était pas encore de la partie, mais entre les quatre nations des îles britanniques et la France, la compétition faisait rage. Et en 1985, l'Irlande s'était imposée devant la France. Ce serait donc un mauvais présage pour cette année, 40 ans après ? Pas si sûr, car après cette victoire irlandaise, la France avait gagné les deux suivantes, et l'Irlande a remporté le tournoi l'an dernier. Alors, avec un peu de chance, ça passe. Mais revenons à notre année 1985. Celle-ci fut aussi tristement célèbre pour avoir connu le drame du Heysel le 29 mai 1985. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas ou qui ne l'ont pas connu, je vous parle ici de la finale de la Coupe d'Europe de foot, l'actuelle Champions League, qui opposait en 1985 Liverpool et la Juventus de Turin. Avant ce match, un mouvement de foule dû à du hooliganisme anglais a eu lieu, causant la mort de 39 personnes, majoritairement italiennes. La finale a finalement eu lieu, avec une victoire des hommes de Turin et un but sur pénalty de Platini, plus que litigieux. Pour rester côté français, on peut noter la belle victoire au classement général de la Formule 1 d'Alain Prost, sa première, avant trois autres titres jusqu'en 1994. Cette saison fut également celle de la première victoire en carrière du Brésilien Ayrton Senna, avec qui le Français a entretenu une rivalité légendaire. Le Brésilien a quant à lui remporté le championnat trois fois. C'était donc une sacrée année sportivement. Et j'ai aussi entendu dire que mercredi, c'était les 40 ans de Cristiano Ronaldo, ce serait donc une année de naissance pour lui aussi. Effectivement, le célèbre footballeur portugais a fêté ses 40 ans il y a quelques jours. Lui qui est toujours en club en Arabie Saoudite depuis 2023, après avoir apporté ses heures de gloire au Real Madrid et avant ça à Manchester United. En carrière, il a marqué plus de 900 buts et sa rivalité, la rivalité du natif de Funchal sur l'île de Madère avec Lionel Messi aura fait vibrer les amoureux du ballon rond durant de nombreuses années et de nombreux classicos. 1985 fut une année très riche en naissance footballistique française également, avec Steve Mandanda, la doublure éternelle d'Hugo Lloris, mais aussi gardien de longue date de l'Olympique de Marseille, puis de Rennes, où il évolue encore actuellement. Enfin, pour terminer ce petit tour, 1985 c'est presque le temps additionnel, ou les réminiscences du poteau en 2016 d'André-Pierre Gignac, qui aura le temps d'un instant fait se lever la France avant de finalement perdre face aux Portugais. Lui aussi est né il y a 40 ans, comme le deuxième ballon d'or de Michel Platini. Au tennis maintenant, 1985, c'était l'explosion de Boris Becker sur la scène mondiale avec son succès à Wimbledon, pas assez pour renverser les Suédois en Coupe Davis, menés par les stars de l'époque, Edberg et Vilander, tous deux vainqueurs de Grand Chelem. Sur un score de 3-2, la Suède l'emporte cette édition, et cette victoire est vue par les petits yeux de deux nouveau-nés qui la soulèveront ensuite. L'un suisse, qui gagnera en 2014, l'autre français, et sa victoire en 2017. Je vous parle bien sûr ici de Stan Wawrinka et Joe Wilfried Tsonga, nés à nouveau en 1985. Pour clôturer cette revue sportive de 1985, nous allons revenir en 2025, pour parler d'un transfert qui a ravi ou déçu, en tout cas il a fait rougir plus d'un. Vous l'avez compris, direction Ferrari, pour Lewis Hamilton, le co-détenteur du record de victoire au championnat du monde de Formule 1. Et lui aussi soufflera ses 40 bougies cette année. Un grand cru, 1985. Merci Alexis. Entre toi et la chronique de Raphaël sur l'espace Schengen, tout de suite, une pause musique. Vous avez probablement déjà regardé le film Retour vers le futur. Vous vous rappelez de la scène au début du film lorsque Marty McFly, en retard, se rend à l'école en skateboard ? Alors, cette musique ne vous sera pas inconnue. Je vous propose d'écouter maintenant The Power of Love de Huey Lewis and the News, single de 1985, écrit pour la bande originale du film à succès Retour vers le futur, sorti la même année. Passe maintenant à ta chronique, Raphaël, et puisque notre émission est consacrée à l'Europe, tu vas nous parler d'un événement important de la construction européenne. Que s'est-il passé il y a 40 ans en Europe ? L'accord de Schengen commence en 1985, il y a 40 ans donc, dans un petit village luxembourgeois à la frontière entre le Luxembourg, l'Allemagne et la France. Schengen, vous l'aurez deviné. À cette époque, 5 pays, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, la France et l'Allemagne, signent un accord qui va marquer un tournant dans la gestion des frontières en Europe. L'idée est simple mais ambitieuse, supprimer les contrôles aux frontières entre ces pays pour ainsi créer une zone de libre circulation. L'objectif est de renforcer les liens entre les pays européens tout en facilitant les échanges économiques et sociaux. L'accord Schengen est une avancée majeure pour l'Europe. 40 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale qui a déchiré le continent, et alors que la construction européenne bat son plein avec l'élargissement de la Communauté économique européenne, CEE, les États du Benelux proposent à la France et à l'Allemagne un accord qui pourrait tout bouleverser en Europe. Tout commence avec une grève des douaniers, en 1984, qui sont confrontés à une augmentation de leur charge de travail du fait des passages toujours plus fréquents aux frontières européennes. Face à cette situation, les États du Benelux, entre lesquels existe déjà un accord de libre circulation, propose d'élargir cet espace à la France et à l'Allemagne, abolissant de fait les contrôles aux frontières internes de cet espace, du jamais vu pour une zone aussi large. C'est ainsi que le 14 juin 1985, il y a 40 ans, cet accord est signé sur un bateau ancré sur la Moselle dans le village de Schengen, au niveau du tripoint France-Allemagne-Luxembourg. Mais ce n'est que 10 ans plus tard, en 1995, que le traité entrera officiellement en vigueur. Entre-temps, beaucoup de choses ont changé. L'accord de Maastricht a transformé la CEE en Union européenne, la guerre froide a pris fin, permettant aux deux Allemagnes de se réunifier, Et d'autres pays ont rejoint l'aventure, comme l'Espagne et le Portugal, en signant la Convention Schengen. Et c'est donc ce contexte qu'apparaît la zone de libre circulation voulue 10 ans plus tôt. Mais Schengen ne se limite pas seulement à la liberté de circulation. Il s'accompagne également de mesures communes en matière de sécurité. Si les contrôles disparaissent aux frontières internes, les États membres renforcent leur coopération en matière de contrôle des frontières extérieures. En d'autres termes, si vous circulez à l'intérieur de l'espace Schengen, vous n'êtes plus soumis à des contrôles systématiques, mais chaque pays veille à la sécurité des entrées et des sorties de lieux. Schengen devient ainsi un espace où la confiance mutuelle et la solidarité entre les pays sont essentielles. Dès 1995, l'accord Schengen prend une nouvelle dimension avec l'entrée en vigueur du système dans de nombreux pays européens. Avec le traité d'Amsterdam de 1997, il s'inscrit dans le droit de l'Union européenne et s'étend à la plupart des pays de l'UE ainsi qu'à 4 États non membres, la Norvège, l'Islande, la Suisse et le Liechtenstein. Cependant, les 30 ans de Schengen n'ont pas été une route sans embûches. Si l'objectif de libre circulation reste largement partagé, les défis liés à la gestion des migrations, du terrorisme et des crises sanitaires ont mis l'espace Schengen à rude épreuve. La crise migratoire de 2015, par exemple, a ravivé les débats sur la sécurisation des frontières et la responsabilité collective des États membres. Certaines nations, face à l'afflux de réfugiés, ont réintroduit temporairement des contrôles aux frontières, une situation qui a mis en lumière la fragilité du système. Et plus récemment, en septembre dernier, l'Allemagne a annoncé un retour des contrôles à ses frontières pour une période de 6 mois, dans un contexte de durcissement de sa politique migratoire et de montée de l'extrême droite. Et bien sûr, comment oublier la pandémie de Covid-19 qui a bouleversé le fonctionnement habituel de Schengen. Les fermetures temporaires de frontières ont ravivé les tensions autour de la gestion des frontières internes de l'espace, mais ont aussi démontré la résilience de l'Union européenne face à des crises imprévues. Aujourd'hui, l'espace Schengen fait face à de nouveaux défis, notamment la sécurité intérieure, les cybermenaces et les tensions géopolitiques, notamment avec la frontière orientale de l'UE. Les tensions avec des pays voisins comme la Russie, le contrôle de l'immigration ainsi que les enjeux de gestion de crise sanitaire ou écologique pourraient à terme remettre en question la fluidité des frontières et des échanges. Cependant, le traité continue d'évoluer et de s'étendre 40 ans après la signature du premier traité. 2024 a en effet été l'année d'entrée en vigueur de Schengen en Roumanie et en Bulgarie. 15 ans après leur entrée dans l'Union, ces deux pays ont dû faire face à de nombreux refus et mettre en place de profondes réformes pour y adhérer, mais c'est chose faite depuis le 31 mars dernier, signe que cet espace, malgré les défis, est toujours dynamique et attractif et reste un symbole puissant de solidarité et d'union entre les peuples européens. Il est temps maintenant de se ressourcer, de reprendre une bouffée d'air frais et d'énergie avec l'irrésistible titre « Wake me up before you go-go » de Wham. Ce morceau pop joyeux et coloré est un reflet parfait de l'exubérance des années 80. Il invite avec son refrain entraînant à vivre pleinement l'instant présent et à célébrer la vie. Classé 3e sur la liste des 100 meilleurs singles de 1985 du magazine Billboard, voici Wake Me Up Before You Go Go. Wake me up before you go go. I don't want. Amalia est avec nous aussi ce week-end, étudiante roumaine en première année à Sciences Po Nancy. Je m'adresse à toi, 1985 en Roumanie, ça donnait quoi ? 1985, la Roumanie, le régime de Nicolae Ceaușescu, semble indestructible. Depuis 20 ans, il gouverne le pays et laisse à son peuple une dictature de plus en plus oppressante. Mais hors de l'accord de discours à la télévision et de grands rassemblements de partis, la vie est bien différente, l'économie est dévastée. L'économie est au bout du rouleau. Ceaușescu est obsédé par l'idée de rembourser la dette extérieure. Pour cela, il instaure une politique d'austérité qui frappe durement la population. Presque tout ce qui est produit en Roumanie est exporté. Il n'y a pratiquement rien à manger. Le pain, la viande, le lait, l'huile, le sucre. Des biens de première nécessité devenus des trésors que seuls les plus patients ou les mieux connectés peuvent obtenir. Faire les courses est aussi un combat de tous les jours. Les files d'attente s'étirent sur des centaines de mètres. Et il n'est pas exclu de rentrer chez soi les mains vides après des heures d'attente. Et ce n'est même pas le pire dans tout cela. Le plus absurde et immoral est que cela fonctionne dès le petit enfance. En 1985, mes parents n'avaient que 9 ou 10 ans et ils devaient aller au marché traditionnel avec des tickets de rationnement. Mais souvent rentrer chez eux sans rien. À l'école, ils étaient obligés de chanter des hymnes communistes que tout le monde détestait et répéter des slogans stupides sur la grandeur du parti et du conducteur. Ils savaient que c'était tout un mensonge, mais ils n'avaient pas d'autre choix. C'était une atrocité, un lavage du cerveau institutionnalisé. Dans le pays, la sécurité, la police secrète était partout. Un mot de travers, une blague sur Ceaușescu au mauvais endroit, et on se retrouvait en prison. Ou pire, personne ne pouvait faire confiance à ses proches. Il suffisait que sa mère ou un ami rapporte au régime un mot de la conversation privée pour que toute une famille soit marquée à jamais. On apprenait très tôt à se taire. Dans les foyers, la vie était rythmée par les coupures d'électricité, les restrictions de chauffage et les programmes télévisés contrôlés par le parti. Chaque soir, la télévision diffusait la même propagande. Ceaușescu visitant des usines, se rendant promettant un avenir radieux. Un avenir qui, pourtant, ne venait jamais. Pendant que lui et son épouse Elena vivaient dans le luxe et l'opulence, le peuple crevait de faim dans des appartements glaciaux. À l'étranger, la Roumanie est devenue un état paria. Alors que Gorbatchev introduit des réformes en Union soviétique avec le perestroïka, Ceaușescu s'enferme dans son dogme. Il refuse toute ouverture, toute réforme, convaincu d'être le seul maître de son destin. Mais en réalité, son pays était au bout. Bien sûr, en 1985, personne ne sait encore que la révolution approche. Mais les signes de l'enfoncement sont déjà là. Les murmures de contestation se font entendre chez les ouvriers, les intellectuels, les étudiants. La peur est toujours là, mais l'exaspération grandit. En silence, les Roumains rêvent de la liberté. 4 ans plus tard, ce rêve deviendra réalité. La révolution de 1989 sera brutale, saignante, mais elle renversera enfin un régime que beaucoup pensaient indestructible. Ceaușescu, l'homme qui se croyait immortel, sera exécuté en quelques minutes. Mais en 1985, la Roumanie n'est pas encore là. Elle est un pays à genoux, un peuple brisé, mais un peuple qui, sans le savoir encore, se prépare à changer son destin. Notre créneau parmi ces 40 heures de direct touche à sa fin. Merci à tous de nous avoir écoutés. Même pour nous, l'expérience était très enrichissante et c'était comme un nouveau challenge. Faire du direct, on n'a jamais fait. Europe & Roll, c'est toutes les semaines, le dimanche à 13h et le lundi à 17h sur Radio Fadjet. Sinon, vous pouvez nous retrouver en podcast sur Spotify. L'équipe d'Europe & Roll passe maintenant la main à Geek World. Johan, je te laisse le micro.